Les gens, quand ils sont ensemble, puis qu'il y a une vibration commune, si on peut dire, un peu comme une chorale qui chante, c'est très puissant, ça. Puis c'est plus puissant que l'individu. Ça peut engendrer des phénomènes psychiques inconscients qui sont beaucoup plus forts qu'une conscience individuelle est capable de percevoir dans le moment, là. Puis on se fait avoir, on se fait pogner. C'est un peu comme assister à un spectacle, puis on se met à y croire ensemble.